Salut, vous écoutez le carnet de notes de Luc Saint-Élie. Le site est à http://blogblog.saint-elie.com. Il y a maintenant un moyen plus direct d'y arriver. Vous faites http://audioblog.fr et vous arrivez à la même adresse. Sur ce site, vous pouvez lire mes notes écrites, télécharger mes notes audio en faisant un petit clic droit sur l'icône du son et le fichier arrive sur votre ordinateur. Chaque note audio est accompagnée d'une note écrite qui est souvent très courte mais où il y a au moins la liste des adresses web qui concernent ce dont je parle. Sur le site, vous pouvez également réagir à ce que je dis ou à ce que j'écris, poser des questions, donner des réponses aux questions qui ont déjà été posées, etc. Si vous souhaitez réagir autrement, vous pouvez laisser la journée un message à mon répondeur au 08 70 73 20 28. C'est une Freebox, donc si vous êtes en France, d'où que vous soyez, vous payerez une communication locale. Je vais parler principalement de trois choses, d'un magazine qui concerne un type de musique que je connais très mal, d'un type que je ne connais pas du tout et qui fait des magazines que je n'ai jamais lus mais qui m'est éminemment sympathique, et puis d'une discussion que j'ai eue avec un ingénieur de l'INA et qui m'a beaucoup intéressé. Et puis quelques bricoles comme d'habitude. La musique va être un peu différente de ce que vous avez l'habitude d'entendre dans mes notes audio et c'est pour rester dans le ton du premier magazine dont je vais parler. On va écouter des musiques un peu moins courantes, parfois un petit peu bizarres. On a commencé avec un Turc qui s'appelle Fatih Özel. Il est d'Istanbul. C'est un mec qui fait tout ça tout seul. Ensuite, on entendra une chanteuse brésilienne, un groupe de Zaïrois expatriés en Afrique du Sud ou un gars de Hong Kong qui fait des musiques de théâtre chinois. Moi j'aime bien le rock, le blues et le jazz. Plus le classique pour des raisons familiales, ma mère était pianiste, c'était son boulot. Mais des musiques, il y en a d'autres, il y en a même plein d'autres, et en général, ces autres musiques, on les range dans une espèce de grand sac fourre-tout qui porte l'étiquette World Music. Si vous faites les rayons d'un disquaire, d'un grand disquaire, vous allez voir plein d'étagères spécialisées, rock, pop, musique française, etc., disco, etc., etc. Et puis en fond, en général, tout au fond du magasin, il y a un rayon un peu obscur qui est étiqueté World Music. C'est une façon élégante de dire tout le reste. Et en pratique, ce reste, il est large, il est même très très large. Je connais pas grand-chose personnellement à la World Music. Or, je suis tombé presque par hasard sur une revue formidable qui en parle. Cette revue, elle s'appelle Ethnotempos. Elle paraît deux à trois fois par an et elle est consacrée aux musiques à caractère ethnique. Ce qu'on appelle en général du nom pudique de musique du monde, comme s'il y avait la musique occidentale et puis le monde à côté. C'est une revue qui a la particularité d'être rédigée entièrement par des bénévoles. Alors ça, comme étiquette, a priori, c'est pas engageant, sauf que ces bénévoles, ils bossent largement aussi bien que des journalistes payés. Ethnotempos a une présentation un brin intégriste, et quand je dis un brin intégriste, je suis gentil. Ils ont un site web, et lorsqu'on arrive sur ce site, qui doit être de très loin le plus austère et le plus vilain des sites musicaux. La présentation donne « Ethnotempo s'intéresse tout particulièrement aux formes évolutives des musiques traditionnelles en France, en Europe, ainsi que des musiques extra-européennes, des cultures amérindiennes, asiatiques, aborigènes, etc. » Enfin bon, bref, Ethnotempo s'intéresse aux musiques du monde qui paradoxalement ne font pas forcément la une de la déferlante world music que certains s'acharnent à transformer en un nouveau brouet de variétés exotiques bon marché. Alors une fois que vous avez lu ça, normalement on a un peu tendance à se tirer en courant. Et là on a tort. On a tort parce qu'en pratique, Ethnotempo, c'est beaucoup moins austère et rigide que pourrait laisser penser cette présentation. C'est un magazine donc qui est diffusé soit en version imprimée, soit qui est téléchargeable, auquel cas c'est gratuit, il faut juste s'enregistrer sur le site, en PDF. Chaque édition fait à peu près 40 pages, c'est un magazine très dense, où il y a énormément de choses écrites, très très complète, qui se veut très exhaustif sur chacun de ces sujets. Et par exemple, quand je dis que Ethnotempo, c'est pas forcément un magazine aussi austère et rigide que la présentation l'annonce, dans le numéro en cours en ce moment, il y a des articles sur un petit peu tout ce qui peut se faire en dehors de la musique que vous connaissez, dans à peu près tous les pays du monde. Il y a notamment une série d'articles sur les musiciens vietnamiens. Dans ce numéro, il y a une très longue interview d'une dame qui s'appelle Wong Tan et qui fait une musique qui est assez proche du jazz. D'ailleurs, puisqu'on parle de jazz, toujours dans cette série sur les musiciens vietnamiens, dans les numéros précédents, je crois que c'est deux numéros en arrière, il y avait un article assez long sur Nguyen Le. Nguyen Le, on ne peut pas tout à fait le classifier dans la musique purement exotique, enracinée ou arborigène. C'est un guitariste qui est certes vietnamien mais qui est né à Paris. Vous avez sans doute très souvent eu l'occasion de l'entendre sans le savoir. Il a accompagné de très nombreux chanteurs et groupes, de Claude Nougaro à Cheb Mami, en passant par Ray Charles et pas mal d'autres. Il a une discographie longue comme le bras, enfin, c'est ce qu'on appelle dans la musique une pointure. C'est le type d'article qu'on va trouver dans Ethnotempo. Dans ce numéro, il y a également un très très long, et ça c'est le côté très très long, c'est l'avantage des magazines indépendants, il n'y a pas de diktat du concept, quand c'est bien on peut s'étaler un petit peu, article sur un type qui s'appelle Gabriel Yacoub, et que les vieux comme moi ont connu à une époque où il chantait dans un groupe qui s'appelait Malicorne. Si vous êtes jeune, Malicorne, vous n'avez probablement jamais entendu parler. Et pour ça, il faut se replonger à la préhistoire, c'est-à-dire dans les années 70. À cette époque, la musique française à la fois se cherchait et était beaucoup plus riche qu'elle l'est aujourd'hui. Elle était surtout très éclectique. Il n'y avait pas de Starac pour standardiser le truc. Il y avait en gros ceux qui, d'un côté, donnait dans la musique anglo-saxonne. Dans les années 70, anglo-saxonne, c'était anglo tout court. De l'autre, il y avait la variété, Mariti et Gilbert Carpentier. Puis, il y avait un mouvement assez fort qui était étiqueté folk, et Malicorne s'inscrivait dans cette mouvance-là. Gabriel Yacoub, donc, est l'objet d'un article fleuve dans ce numéro d'Ethnotempo. Il a bossé, pour ceux qui s'en souviennent, par exemple avec Alan Stivell, Dan Arbrass et compagnie. Alan Stivell, je crois qu'il est resté 2 ans avec lui. Et Malicorne, c'est un groupe assez étonnant qui faisait un folk traditionnel, un folk français, donc traditionnel, avec parfois des instruments non seulement traditionnels, mais qui n'existaient plus, qui reconstituaient, enfin un truc de fou, des instruments qui avaient des noms incroyables, comme l'épinette des Vosges, le psalterion à archet, la vieille à roue, la vieille à roue, etc. Pour avoir une vague idée de ce que ça donne, j'ai mis sur la note écrite un lien vers All Music Box, qui est un site formidable, c'est une petite pub gratuite et méritée, où on peut écouter des extraits d'à peu près tout ce qui a été publié chez nous. Là, vous pourrez avoir une vague idée de ce qui se faisait dans ces années 70. Donc, pour résumer, si vous en avez marre des magazines musicaux standards qui vous parlent toujours de la même chose, je vous encourage à aller jeter un œil à Ethnotempo. L'adresse est sur la partie écrite de cette note. C'est vraiment un truc qui vaut le détour. Pendant que je vous raconte tout ça, on entend une brésilienne de Sao Paulo qui s'appelle Lou Horta et sa chanson s'appelle Sabe la Deus. La prononciation n'est pas exactement garantie. Sabe la Deus, se ele vai voltar. Tô esperando, esperando. tudo isso passar, eu rezo para os céus, pedindo a sua mão. Não cai nenhum anel, nenhuma solução. Franciscos, Mateus, Antônios e Luís, famintos guris, todos bem no meu nariz. Tantos homens nessa terra e eu escolhi esse infeliz. Sabe lá, Deus. Rezo para os céus, pedindo a sua mão. Não cai nenhum anel, nenhuma solução. Franciscos, Mateus, Antônios e Luís, famintos, guris, todos bem no meu nariz. Tantos homens nessa terra e eu escolhi esse infeliz. Sabe lá, Deus. Sabe lá. Si quand vous étiez petit, vous étiez fan de David et Goliath, voire de Robin des Bois, l'histoire de Christophe Goffet devrait vous plaire. Christophe, c'est un type que je connais pas et qui publie un canard, en fait il en publie deux, que je n'ai jamais lu, mais qui m'est furieusement sympathique. L'année dernière, Christophe, qui publie donc d'un côté un magazine qui s'appelle Crossroad et qui parle de musique, et un autre qui s'appelle Brasil et qui parle de cinéma, deux petits canards indépendants faits par une toute petite équipe avec des moyens microscopiques, a publié dans Brasil, le magazine ciné, un article au vitriol sur Luc Besson. C'était dans le numéro 4 de la revue de janvier 2003. Ce portrait était titré « Besson m'a tué mon cinéma », en référence au fameux Omar m'a tué. Et Luc Besson, qui est un gars qui a vraiment le sens de l'humour, a assigné le magazine devant le tribunal de grande instance de Paris pour diffamation, jusque-là, on est dans la norme, et en leur réclamant 50 000 euros de dommages et intérêts. Alors, il faut savoir que les magazines indépendants sont faits avec des bouts de ficelle, et demander 50 000 euros, en clair, ça revient à demander la fermeture du magazine. Démarche très classe de la part de Luc Besson. Habituellement, dans ce genre de circonstances, on demande 1 euro symbolique plus la publication de la condamnation, si condamnation il y a. Au final, Besson, fin 2004, a été débouté de toutes ses demandes et condamné aux dépenses, et en langage juridique, ça veut dire que c'est lui qui a payé les frais de justice. Et il y a du rigolo dans les attendus du tribunal, notamment à propos d'un article qui reprochait à Luc Besson de faire du cinéma juste pour avoir des relations sexuelles avec des actrices. Et le tribunal a finalement considéré que ça ne constituait pas une diffamation parce que le fait n'est pas susceptible d'être prouvé. Donc ça, c'est la bonne nouvelle pour Brasil et Christophe Goffet. La moins bonne nouvelle, c'est que dans le milieu du cinoche, il y a une ambiance, disons, spéciale, et que les petits magazines indépendants sont pas vraiment bien vus et pas trop sortis de l'auberge. Par exemple, le mois dernier, Brasil a critiqué Star Wars. Résultat, ils ont reçu un message de l'attaché de presse qui, texto, leur dit Désormais, ce n'est absolument plus la peine de nous contacter pour recevoir du matériel de chez Fox Pathé Europe. Nous ne te le fournirons plus. Plus la peine également de passer au bureau, nous ne te répondrons plus. Donc c'est Fort Knox chez Fox Pathé dès qu'on vient de chez Brazil. Et Christophe fait remarquer d'ailleurs que le lendemain de son papier à lui, Libé avait titré, toujours au sujet de Star Wars, « Le pire contre-attaque ». Il est peu probable que Libé soit tricard à la Fox, mais étouffer un petit canard, forcément, c'est plus simple. Conclusion de cette histoire, elle n'est pas de moi, elle est donc de Christophe, ou plus exactement de Frédéric Dard. C'est traiter les gens de cons, c'est pas un outrage, parfois c'est un diagnostic. Donc vous allez me demander pourquoi je vous raconte tout ça. Eh bien je vous raconte tout ça parce que la boîte donc, qui publie Brazil et Crossroads organise, pour ceux que ça intéresse, le samedi 26 février à 20h au Grand Rex, une soirée Terry Gilliam avec projection a priori de la vie de Brian, du Sacré Graal, Calvaire, etc. Ça coûte 15€. Donc si vous savez pas quoi faire le samedi 26, rendez-vous au Grand Rex. En outre, c'est un super cinoche, soit dit en passant. Et vous pourrez éventuellement voir les gens de cette petite équipe qui s'appelle Bandit Company, qui publie ses magazines et à qui il est arrivé bien des malheurs. Tiens, j'ai pas encore parlé de photos aujourd'hui, j'y viens justement. J'y viens parce que je suis en train d'écrire pour un canard un petit papier sur le thème de l'archivage des photos numériques. En version courte, ça va faire un an et demi à peu près que la photo numérique a vraiment décollé. Ça veut dire qu'il doit y avoir pas mal de gens qui ont des tas de fichiers sur le disque de leur ordinateur ou sur des CD ou autres, avec en arrière-plan la question, en gros ces fichiers, qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce qui me garantit que dans, je sais pas, 5 ans, 10 ans, 15 ans, ils seront toujours lisibles. Et tous les fabricants en cœur, qu'il s'agisse de la photo ou de la musique, crient numériser, numériser, mais il n'y a pas grand monde qui a une vraie proposition pour la suite. Et dans ce cadre-là, j'ai discuté un petit peu avec un type très intéressant de l'INA. L'INA, c'est l'Institut National de l'Audiovisuel, qui, entre autres, gère des archives filmées, sur cette question de l'archivage. Et il m'a fait une remarque que je trouve assez passionnante, qui est que le numérique, c'est un piège, et un piège itératif. L'idée de fond, c'est qu'on va passer de l'analogique au numérique, point. En fait, en pratique, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. On passe de l'analogique au numérique, et puis du numérique au numérique, au numérique, au numérique, au numérique, comme ça, sans arrêt. Et sans arrêt, pourquoi ? Parce que les supports sur lesquels on archive, tout d'abord, ont une garantie de longévité dont on n'a à peu près aucune idée. Les fabricants ont beau annoncer des disques qui durent 150 millions d'années, c'est des simulations. Dans la vraie vie, on n'en sait strictement rien. En outre, cette longévité, elle est liée à des tas de facteurs qui font que dans la vraie vie, les chiffres théoriques, vous ne les verrez jamais. Puisque vos CD, ben vous les utilisez, vous les consultez, vous les archivez pas forcément dans le noir complet avec un degré d'hygrométrie et une température parfaitement stable et patati et patata. Donc on ne sait pas combien de temps ils vont durer. Et à la limite, combien de temps ils vont durer, on s'en fout. Parce que ces CD, on ne sait pas combien de temps ils seront lisibles. Aujourd'hui, les lecteurs de DVD lisent les galettes CD parce que la technologie est proche, mais déjà, ça leur demande une petite gymnastique parce que c'est pas exactement les mêmes dimensions de pistes, etc. Donc, ils ont deux têtes. La prochaine génération, les Blu-ray ou leurs concurrents liront les DVD et peut-être les CD. La génération suivante lira sans doute plus du tout les CD. Ça veut dire que le CD qui est aujourd'hui un format roi, dans 5 ans ou dans 10 ans, on n'a aucune garantie qu'il existera toujours des trucs pour les lire. Si ça vous fait bondir, il faut penser que par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, mettons une dizaine d'années, dans la PAO, le standard en matière de stockage était le SyQuest 44 et son célèbre Klong. Eh bien, essayez aujourd'hui de trouver un lecteur SyQuest 44, je vous souhaite bien du bonheur. Et à titre individuel, ça veut donc dire que lorsqu'on s'est engagé dans le numérique, on est condamné à régulièrement recopier ces données numériques sur des nouveaux supports au fur et à mesure qu'il y en a qui y arrivent. Et à titre personnel, c'est assez jouable parce qu'on ne fait pas quand même des tonnes de DVD de photos par an. Donc tous les ans, tous les deux ans, recopier un ou deux DVD, c'est pas un travail titanesque. En revanche, ce côté de migration permanente des données sur des nouveaux supports au fur et à mesure où ils arrivent, lorsqu'on le replace dans le contexte de grande numérisation, comme c'est le cas à l'INA par exemple, ça prend des côtés totalement titanesques. L'INA en est actuellement à 200 000 heures de vidéos numérisées, ce qui est encore loin de représenter la totalité de leurs archives, et leur problème en ce moment, c'est pas tellement la numérisation de ce qu'il leur reste à numériser, parce que ça maintenant ils le maîtrisent bien, mais c'est la migration de ce qui est déjà numérisé. C'est-à-dire qu'en gros, tout ça se dirige vers deux projets parallèles, d'un côté des gens qui numérisent, et puis de l'autre des gens qui recopient ce qui a déjà été numérisé pour s'adapter à la progression des différents supports. Et en parlant avec un collègue, il m'a fait remarquer que à la BNF, ils étaient exactement dans la même panique avec ce genre de truc, parce que c'est un vrai boulot de titan. Et j'ai pas réussi à le retrouver. Si je le retrouve, je le mettrai sur la liste de liens. Pareil que à la NASA, c'en est carrément comique, où ils ont une tonne de trucs numérisés absolument faramineuses. Le boulot de migration, c'est vraiment un boulot en lui-même totalement titanesque. Tellement titanesque que quand ils ont fini une migration, il faut qu'ils recommencent, puisque quand ils ont fini de recopier la dernière partie de leur stock numérisé, la première, elle est déjà en instance d'être sur des supports obsolètes, et donc il faut qu'ils recommencent. C'est vraiment un cercle sans fin. J'ai trouvé cette remarque que m'a fait cet ingénieur intéressante. Vous vous en foutez, mais moi j'ai trouvé ça sympa, donc je vous le raconte. La musique qu'on entend derrière en ce moment, elle est d'un type de Hong Kong qui s'appelle Frankie Ho et qui fait de la musique pour les théâtres chinois, avec des espèces de dragons articulés qui bondissent dans tous les coins. J'ai lu ce matin que le laboratoire Pfizer, qui est le fabricant du Viagra, va engager un certain nombre de poursuites contre des spammers, le Viagra pas cher étant un grand classique du spam, vous en avez sans doute déjà reçu dans votre boîte aux lettres. Donc Pfizer, c'est dur à dire comme ça, Pfizer qui sort la trique, ça a quand même une certaine gueule, la guerre du Viagra aura donc bien lieu. Bon, c'est pas tout ça, j'arrête là, ciao, à la prochaine. On va se quitter sur un groupe de Zaïrois expatriés en Afrique du Sud qui s'appelle The Fantastic Guys et qui font une musique plus dynamique que celle de Frank Ho. Salut. me negar. Mas já me descer pra se ficar sabendo e me lir. Quando você falha, não falo na minha cabeça de problema. Outra noite, junto de um cavalo, me dizer que viria um passado outro atrás da minha rua. Nem com a salta, se eu apaguei e choquei minha mão. Seu amor.